Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le mercredi 24 février 2016. Les paris du Grand Paris, c'est l'objet de notre série cette semaine avec notre tête chercheuse Pauline Rossi. Dans un instant, le troisième épisode. Et puis en deuxième partie de l'émission, l'actualité cinéma avec aujourd'hui un film documentaire qu'on vous recommande vivement, Dans ma tête, un rond-point. Ça sort aujourd'hui. Le réalisateur Hassan Farhani sera présent avec nous aux alentours de 6h15 et c'est un coup de cœur partagé avec le magazine Transfuge. Donc Oriane Jeancourt viendra elle aussi nous dire le plus grand bien qu'elle pense de ce film documentaire. Mais tout d'abord, les paris du Grand Paris. Notre tête chercheuse Pauline Rossi est déjà là. Bonjour. Bonjour. Troisième épisode donc aujourd'hui, reconstruction de Paris à travers le logement social. Et là, Pauline Rossi, on est déjà dans les années 60-70. Tout à fait. Et c'est une des périodes un peu phares de mes travaux, qui avait commencé avec le Faubourg Saint-Antoine et puis qui s'est prolongée jusqu'à l'Est parisien. L'idée que Paris devait être reconstruit, voire reconquis, a commencé dans les années 1950. Alors, Paris était sorti relativement indemne des dommages de guerre. Pourtant, encore une fois, la dynastie des Lesages nous permet de voir que quelques adresses ont été endommagées et qu'il s'est agi donc de les reconstruire de façon pragmatique et assez rapidement. La dynastie des architectes. Les architectes, effectivement. Le grand-père, le père, le fils, pour ceux qui auraient raté les deux premiers épisodes de notre série. Tout à fait. Et en dehors de ces quelques donc reconstructions de guerre, l'enjeu va être dès 1957 la reconquête de Paris, c'est-à-dire considérer que certaines entités de la capitale étaient insuffisamment urbanisées, qu'il s'agissait de rénover le parc immobilier parisien. Et là, ça a été tout l'enjeu d'enquêtes immobilières qui ont été conduites par la préfecture de la Seine et qui a donné lieu à quelques reconstructions et à quelques réalisations phares tels que les grands îlots de rénovation urbaine. Mais en dehors de ces grandes réalisations phares, il reste aussi à détricoter l'ensemble des opérations sporadiques qui ont pu être menées par le secteur privé ou par le secteur coopératif dans la capitale. Et là, c'est le deuxième représentant de cette fameuse dynastie, Robert Lesage, qui nous a permis encore une fois de rentrer un peu plus dans le détail de ces opérations en voyant quelques réalisations phares dans la capitale, mais après très rapidement en banlieue, puisque ça a été aussi l'occasion d'agrandir Paris et d'amorcer l'urbanisation de la banlieue. Toujours à l'est, les Lesages ? En grande partie, effectivement, avec par exemple la ville de Villiers-sur-Marne, qui est véritablement un des secteurs clés de l'activité de l'agence de Robert et Pierre Lesage dans les années 1960. Trois opérations vont se succéder dans cette ville et dessiner véritablement presque des quartiers entiers de Villiers-sur-Marne. Des milliers d'exemples pourraient me venir en tête. Il y a quelques opérations tout de même à l'ouest. Là, il ne faut pas se mentir. Mais véritablement, c'est tout le temps ce tropisme oriental qui prédomine dans leur production. Encore alors, par ce jeu de relations et de connaissances qui, de toute manière, s'implante à l'Est. Mais cette reconquête de Paris après-guerre, j'imagine que cette urbanisation d'un Grand Paris, ces débats autour du Grand Paris, et puis même cette urbanisation qui va devenir volontariste, on peut le dire, Pauline Rossi, elle répond cette fois-ci à un cahier des charges très politique. Oui, tout à fait. La reconquête de Paris est annoncée par Pierre Surdrault, qui est alors ministre de la Reconstruction en 1956. Et il s'agit véritablement, ça fait suite à l'appel de l'abbé Pierre en 1954, où cet hiver particulièrement froid menait à mal les Parisiens. Et donc, l'enjeu de la préfecture de la Seine et encore plus du gouvernement a été de réformer Paris, mais ça de façon effectivement très volontariste. Et pourquoi volontariste? Aussi dans la forme urbaine et dans la forme architecturale. C'est-à-dire qu'on a considéré que les traditions constructives de la ville, telles que l'haussmannisme les avait un peu assises, étaient inefficaces face au problème du logement tel qu'il se posait dans l'après-guerre. Et donc, il s'agissait d'augmenter la densité, mais aussi d'améliorer le confort des habitations, de permettre que, par exemple, le minimum sanitaire soit accessible à chacun des logements. Et ça, ça a été un effort énorme qui s'est traduit aussi dans les formes urbaines par une ouverture de l'îlot, voire une négation de l'îlot. C'est-à-dire que cette tradition parisienne qui est l'alignement sur rue a été reniée dans les années 1960 pour permettre aux bâtiments de s'implanter plus librement, non plus dicté par la voirie, mais dicté par un hygiénisme, un ensoleillement maximal. Et donc c'est ça qui a véritablement métamorphosé des portions entières de la capitale. Il suffit pour ça de se rendre rue Nationale et on comprend tout de suite l'évolution de la ville et effectivement le caractère très volontariste et progressiste de cet urbanisme des années 60. Alors dans les années 60, c'est aussi les 30 Glorieuses, donc on est aussi dans une dynamique économique. Est-ce qu'on pense Paris à travers aussi les moyens de production, les usines, le transport? Est-ce que tout ça est déjà pris en charge pour cette urbanisation du Grand Paris de l'époque des années 60? Alors, ou du début des années 60? Oui, effectivement, les réglementations ont été assez lentes à se mettre en place et à être réellement actées par les différentes instances. Mais à côté de ça, effectivement, on a véritablement une volonté d'agir sur la ville, y compris sur les centres de production. Alors ça a été une grande... Et donc les transports aussi. Et donc sur les transports, à plus petite échelle, ce qui est très intéressant de souligner, c'est justement la place des usines dans ce Paris des années 1950. On a très longtemps affirmé que cet urbanisme avait voulu désindustrialiser Paris de force. Et ça, dans les grandes emprises industrielles comme dans les petits quartiers d'artisanat. Moi qui ai travaillé sur le Faubourg Saint-Antoine dans les années 50-60, je me suis rendu compte que l'administration, les architectes et les urbanistes n'ont pas voulu mettre à mal le quartier du meuble qu'était le Faubourg Saint-Antoine. Ils ont voulu surtout, effectivement, récupérer des entités foncières en enlevant les activités les plus encombrantes au sol. Mais en dehors de ça, l'artisanat n'était pas menacé. Il s'agissait pour la préfecture, justement, même de permettre de rationaliser un peu la production artisanale, mais pour la préserver. Donc ça a été en réalité une conséquence des rénovations, mais pas seulement. C'était aussi l'évolution des mœurs et des modes de consommation qui a participé. Si on prend l'ameublement en exemple, on se rend compte que dans les années 1970, il était de plus en plus rare pour une famille d'avoir un salon de meubles en bois traditionnel qui aurait été légué de génération en génération. Le mode de consommation évoluait, on changeait de mobilier beaucoup plus facilement, et donc c'est ça aussi qui a participé à la désindustrialisation de Paris, pas seulement l'urbanisme. Mmh. Et comment se faisait justement cette urbanisation volontariste? Alors, elle est passée très concrètement par des textes réglementaires, c'est-à-dire le plan d'urbanisme directeur, qui a voulu mettre à mal justement les traditions constructives de la capitale et qui a prôné la fin de l'alignement sur rue et la quête de la hauteur. Et donc, et cela s'est fait sans heurts, sans débats, sans... Ça s'est fait avec beaucoup de débats, ouais, mais ça s'est fait avec beaucoup moins de heurts qu'on ne le pense. En réalité, on calque notre pensée actuelle sur un système de réflexion des années 1950-1960. Pour beaucoup de Parisiens des années 1950-1960, voir ces immeubles modernes sortir de terre, c'était en réalité un soulagement. Et là, encore une fois, l'exemple du Faubourg Saint-Antoine m'aide à expliquer ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a pleuré sur des démolitions à partir des années... milieu des années 70, début des années 80. Dans les années 1950-1960, quand l'îlot Saint-Éloi à la rue de Reuilly sort de terre, c'est un petit New York qui est annoncé dans les colonnes du Monde. Donc tout le monde voit ça avec un engouement et une joie assez déconcertante pour nous aujourd'hui qui voudrions défendre un Paris plus discret, le Paris des faubourgs, etc. Mais à l'époque, ça a été un engouement. Et tout aussi étonnant, c'est d'imaginer que les grands ensembles, quand ils se mettent en place, sont plutôt bien accueillis par les Parisiens. Aussi, effectivement, et ça a été mis en avant, effectivement, dans des grandes émissions, y compris par l'architecte Chemetov qui plaide un petit peu et qui réexplique justement ces phénomènes. Et c'est tout à fait intéressant et important de le rappeler. Pour en revenir à la dynastie des architectes des Le Sage, ce qui a été très intéressant de découvrir au cours de cet ouvrage, c'est le rôle des coopératives d'HLM qui, en réalité, ont elles véritablement participé à une couture urbaine. C'est-à-dire qu'en dehors ou en marge des grands ensembles phares dont on connaît plus ou moins tous le nom, quelques petites réalisations d'échelle beaucoup plus humble ont été édifiées et ont participé véritablement à tisser des quartiers. Donc ça a accompagné les grands ensembles dans une urbanisation plus douce, avec des gabarits par exemple assez différents, des logements qui ne sont pas seulement du gros collectif mais qui sont aussi petit à petit plus vers le petit collectif, voire les maisons individuelles. Donc c'est vraiment à travers l'étude des coopératives d'HLM qu'il faudrait maintenant pouvoir défricher ces terrains-là pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à côté des grands ensembles. Puisque les grands ensembles sont un peu l'arbre qui cache la forêt sur cette période, et il faut maintenant qu'on arrive que les historiens arrivent à dépasser l'arbre et à regarder les petits arbustes qui sont sur le côté pour comprendre véritablement ce qu'est le Grand Paris. Eh ben moi je vous propose demain pour voir justement ces petits arbustes et pour parler aussi de l'Est parisien et comment de cet enjeu de développer, d'imaginer l'Est parisien s'est ancré cette idée du Grand Paris. On se retrouve demain, Pauline Rossi. Tout à fait. À demain. Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où, Monte Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi et dimanche, t'es pas à Paris. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris. J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Alors vous êtes en danger? Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia? Et faire quoi là-bas? On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs? Qu'est-ce que c'est les Champs? Les Champs-Élysées. Ouais, il faut que j'aille à avenue Georges V. Ok, je vous laisse. Allez, remonte avec moi. Jusqu'à la rue, alors. New York Herald Tribune! Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi. Non, c'est drôle. J'ai couché avec deux filles depuis qu'on s'est vues. Eh bien, ça gazait absolument pas. Gazé, qu'est-ce que c'est? Elles étaient très jolies, mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Alors tu peux venir à Rome? Moi j'en ai marre de la France. Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Autrement, mes parents ne m'envoieraient plus d'argent. Je t'en donnerai. Mais on a passé que trois nuits ensemble. Non, cinq. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge? Écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. Il est quelle heure? On se revoit tout à l'heure? Non, pas tout à l'heure. Ce soir. Oui? Yes. Où ça? Oh, ici. Thank you. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Dans ma tête, un rond-point, tel est le titre du film de mon invité ce matin, Hassan Farhani, bonjour. Bonjour. C'est la bonne pioche de ce mercredi cinéma, ce documentaire qui a raflé des prix dans pratiquement tous les festivals où il a été projeté, sort au cinéma, aujourd'hui, avec une unité des lieux, les abattoirs d'Alger, un film en immersion, mais qui n'a pour autant rien à voir avec les autres films réalisés dans les abattoirs du monde, donc rien à voir avec Le sang des bêtes de Georges Franju, filmant les abattoirs de Paris en 1949, ou même de l'américain Frédéric Wiseman, remontant la trace d'un hamburger jusqu'aux abattoirs du Colorado. Ça, c'était dans Myth en 1976. Dans votre film, du moins, c'est l'impression que j'ai, Hassan Farhani, plus que les bêtes qu'on abat, ce sont les hommes qui se débattent avec la vie qui vous intéressent. C'est complètement bien résumé, je trouve. C'est un film où j'essaye de rester avec cinq protagonistes, et puis ça parle d'amour, ça parle de désespoir, de rêve, les êtres un peu dans leur complexité. Mais alors pourquoi avoir choisi ce lieu, les abattoirs d'Alger ? Bah déjà j'ai un rapport avec ce lieu, j'ai grandi dans un quartier à Alger qui est pas très loin des abattoirs. C'est un lieu que tous les Algérois connaissent, parce qu'on y allait pour manger de la viande. Et puis un jour je décide de pousser la porte et puis je découvre un univers sonore déjà incroyable, parce qu'on écoute du raï énormément dans ce lieu, et puis des lumières complètement hallucinantes, du rouge, du rose. Donc ça a été la première. Après, c'est aussi une envie de faire un film avec des ouvriers qui ont très peu été filmés dans le cinéma algérien, je trouve. Et voilà, tout ça m'a donné l'envie d'aller dans les abattoirs et puis passer du temps avec eux, 2 mois et demi. La plupart des ouvriers des abattoirs ne sont pas d'Alger, ils viennent de l'intérieur du pays. Donc ils viennent d'Oran, de Annaba, de Steif, de plein de villes. Et puis ils se retrouvent là et ils décident d'habiter à l'intérieur. Donc de squatter des... Et d'aménager, des, pièces, d'aménager des endroits. Donc c'est vrai, vous faites bien de le dire, Hassan Farhani, il y a tous les accents d'Algérie. Il y avait donc cette tentation de prendre les abattoirs d'Alger comme un microcosme de la société algérienne d'aujourd'hui. C'est aussi un peu ça, c'est un huis clos qui raconte aussi l'Algérie, mais avant tout c'est d'abord des singularités, c'est des parcours très différents, mais ce huis clos, oui, d'une certaine manière raconte aussi l'Algérie d'aujourd'hui. Et pas seulement, parce que on apprend des choses aussi sur être un homme aujourd'hui. C'est un film très philosophique, très humain, et pour ce film donc qui sort aujourd'hui, Dans ma tête un rond-point, nous partageons le même coup de cœur. Oriane Giancourt du magazine Transfuge, bonjour. Oui, bonjour Toufik, bonjour Hassan. Bah écoutez, oui, on est très enthousiaste à Transfuge sur ce film. Moi ainsi que François Bégodeau, qui a fait une très belle critique dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Écoutez, moi ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que quelle que soit la société, je pense, quelle que soit l'époque, travailler dans un abattoir, travailler aussi proche de la mort, c'est ce que personne ne veut faire. C'est vraiment le métier un peu au rebut. Et ce sont ces hommes-là, ces hommes qui vivent avec la mort, et il y a des scènes que vous faites très longues où l'on les voit parler d'amour, parler d'amitié, parler de leur famille. Et de la place de Dieu dans tout ça. De la place de Dieu tout en déchirant des peaux de bêtes, tout en coupant à la hache la cuisse d'une vache. Et donc c'est cette proximité avec la mort qui écœure la très très grande majorité des gens. Eh bien, que vous filmez, et vous la filmez non pas de manière désastreuse, non pas de manière pathétique, mais comme vous l'avez dit, en filmant l'amitié, en filmant même parfois la joie, en filmant la vie qui, malgré tout, malgré cette proximité-là, va emporter l'eau et va emporter les discussions. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans ce film. Alors, comment vous avez travaillé La mise en place des entretiens, parce qu'on a l'impression qu'ils vous parlent dans des moments de pause, les tripiers des abattoirs d'Alger, ou est-ce que tout ça a été préparé avec eux? Combien de temps vous avez passé dans ces abattoirs d'Alger? C'est un lieu où j'ai pas fait énormément de repérage, parce que je pense que c'est un lieu où il fallait arriver avec son matériel, il fallait que ça soit physique, il fallait qu'on voit qu'on a aussi un travail physique, donc... Et puis la caméra est devenue un objet de curiosité. Donc plein de discussions autour de qu'est-ce que t'es que le cinéma, le documentaire. Donc pendant 2 mois et demi qu'on a passé à l'intérieur, les repérages se sont faits aussi à ce moment-là. Et je savais ce que je ne voulais pas faire. Je savais que je ne voulais pas un film qui parle de viande. Mais un film qui parle de tout sauf de viande, dans le sens où je vais chercher à l'intérieur de la poésie. Et comme vous l'avez dit, comment dans ce lieu de carnage et de mort, et où le sang coule, on va chercher la poésie, le contrepoids de tout ça. Qu'est-ce que la vie aujourd'hui, comment ils se débattent, comment ils pensent. Et voilà, il y a aussi de la philosophie dedans. Il y a des phrases qui, pour moi, m'ont transporté pendant tout le film, comme la phrase de Hamou qui parle de mensonge et de vérité, quand il dit « pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tombe pas dedans ». Alors, ce film qui a été montré dans plusieurs festivals, et dans la plupart des festivals, vous avez remporté un prix, pour ne pas dire le grand prix pour ce film, Dans ma tête, un rempoi, Hassan Farhani. Dans ce film, on peut effectivement le lire de différentes manières, d'ailleurs, dans Transfuge. Votre lecture et celle de François Bégodeau n'est pas la même, même si vous arrivez à la même conclusion que c'est le film du mois à voir. Oui, et Aurélien puis... Jean-Cours, d'abord votre point de vue. Oui, non mais c'est vrai qu'on arrive à la même conclusion, c'est finalement cette grande solitude, parce que lorsque vous filmez ces hommes-là, lorsqu'ils parlent d'amour, lorsqu'on les voit travailler, lorsqu'il y a un côté d'ailleurs un peu Brecht dans votre façon de les regarder vivre, de les faire parler, tout ça dans cette société, ce microcosme sur lequel pèse, on le comprend bien, une puissance, un espèce de fatum social, mais voilà, qu'on ne voit pas, invisible, eh bien, il y a cette radicale solitude des hommes. Et on a l'impression, parfois, de ne plus voir des hommes dans un abattoir, mais des hommes dans une prison. Ils s'ennuient, ils tournent en rond, ils parlent d'amour qu'on sent un peu impossible. Ils ont un rapport avec les animaux qui est très, très fort. Et puis, effectivement, on voit l'absence des femmes, même si on parle beaucoup de femmes et d'amour dans ce film. On en parle beaucoup, mais elles ne sont pas là. Est-ce que vous avez eu l'impression, comme ça, de voir des hommes qui étaient coupés de tout avenir, de toute possibilité d'existence, en dehors de la Non, c'était pas l'idée directrice du film, mais après, les femmes sont pas là parce qu'il n'y a pas de femmes qui travaillent dans les abattoirs. Mais en même temps, elles sont présentes d'une certaine manière parce qu'ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur copine. Le téléphone devient un moyen de communication. Mais c'est le mot prison est juste dans le sens où eux-mêmes à l'intérieur me racontaient cet état de prison dans lequel ils sont. Et la plupart, la ville d'Alger était un territoire... inconnu pour eux. C'est presque un autre pays à l'intérieur. Ils ne sortent pratiquement pas du tout, et c'est ce qui donne aussi ce côté un peu prison. Mais dans lequel, à l'intérieur de cette prison, on s'évade, on rêve, on parle d'amour, on parle de musique aussi. Dans ma tête, un rond-point, premier long métrage donc de Hassan Farhani. Vous avez quel âge? 30. Eh ben aujourd'hui, bienvenue. On passe au questionnaire d'un autre jour. Première question. Quel personnage historique vous paraît comme le héros ou l'héroïne absolue? Je citerai Don Quichotte, le premier qui me vient en tête. Parce que déjà, j'ai fait un film qui s'appelle Tarzan, Don Quichotte et nous. Et Don Quichotte dans toute sa folie, sa chevalerie. Et puis toute la complexité de ce personnage qui en même temps est ancré dans le réel, mais en même temps s'évade. Deuxième question. Quel super-héros a accompagné votre enfance? Je citerai Glindeiser Goldorak. Je le rassure, pourquoi? Je regardais ce dessin animé quand j'étais petit et je rêvais de lui aussi tous les soirs, je pense. Troisième question. Quel est le film que vous avez aimé contre l'avis de vos amis et entourage? Alors là aussi, il y en a plein... par exemple, récemment, Ni le ciel ni la terre, un film de Cogitor qui est sorti au cinéma, que j'ai beaucoup aimé. Et puis autour de moi, les copains n'étaient pas du tout sensibles à cette manière de voir comment des soldats partent faire la guerre en Afghanistan. Merci Hassan Farhani. Votre film « Dans ma tête, un rond-point » sort aujourd'hui dans quelques salles de cinéma indiquées à la page de l'émission. Et c'est vous qui nous faites le générique de fin. Alors, c'était « Un autre jour est possible », une émission quotidienne de Toufiq Hakem, tous les matins à 6h du matin, ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr à la page de l'émission. Réinventer Paris, notre série avec Pauline Rossi continue demain comme une vraie série avec des projets, du suspense, des enjeux financiers, des alliances et des luttes politiques, les paris du Grand Paris ou l'histoire d'un siècle de projets pour l'extension de la ville Lumière. Demain donc, quatrième épisode en ouverture d'Un autre jour est possible. En deuxième partie, je reçois Bayon pour le journal de ses 30 ans dans la France des années 80. Roulette russe, bonne matinée, à demain. Pourquoi ne m'en pars pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez, tu sais-y, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Va